Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit de la médecine. Oui, toute une nuit consacrée à la médecine et donc aux médecins. Alors au programme est dans le désordre, la médecine coloniale, la médecine verte, la psychiatrie, mais aussi la médecine frôlant le loufoque, la médecine de ville, la médecine à la campagne et, pourquoi s'en priver, un médecin malgré lui. Puis un médecin qui pense, en tout cas qui affirme, qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et puis des invités, tout d'abord vous, Stanis Pérez. Bonsoir Stanis Pérez. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, vous qui êtes professeur agrégé habilité à diriger des recherches en histoire, coordonnateur de recherche à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord, vous qui participez au DU, ce qui veut dire quoi, diplôme universitaire? Exactement. Voilà, d'histoire donc de la médecine à Paris Descartes. Alors vous qui venez de publier chez Perrin Le corps de la reine après Le corps du roi chez le même éditeur, et vous qui avez écrit une histoire des médecins qui est republiée, c'était chez Perrin également, mais elle est republiée dans la collection Tempus. De vous, eh bien voilà, je pense que vous êtes tout à fait à votre place pour nous parler de médecine. En tout cas, une histoire des médecins, pas de la médecine. Hein. C'est une histoire des médecins, c'est pas une histoire de la médecine. Ah oui, c'est très différent. Bon, alors attendez, vous allez nous le dire, j'espère. Et puis alors, autre invité, il s'agira de Nathalie Reims pour un récit qui vient de paraître chez Léo Cher, Les reins et les cœurs. C'est le récit d'une année d'épreuves et de souffrances. Épreuves et souffrances, c'est la première ligne de ce récit qui est l'histoire, une histoire évidemment vécue par elle-même dans sa chair, d'un mal qui frappe les femmes de sa famille de génération en génération. Troisième invitée au cours de cette nuit de la médecine, Fanny Guéral. Alors elle est médecin, et elle avait publié un roman pour adultes, ça s'appelle le début des haricots, mais elle vient de faire paraître un roman pour la jeunesse. Les adolescents, j'imagine. Médecine, deuxième année, sous-titré Amour, colloque et stéthoscope, c'est chez Rajo. Alors j'ai précisé, Stanis Pérez, vos titres universitaires. Je n'ai pas cité tous les livres que vous avez publiés parce qu'il y en a des dizaines. Il y en a sur la santé des dirigeants français, de François Ier à nos jours. La santé de Louis XIV, une bio-histoire du Roi Soleil. Mais alors, peut-être que votre fiche n'est pas à jour ou complète, non exhaustive, mais j'ai pas vu médecin. Vous n'êtes pas médecin. Ah, je ne suis pas médecin. Et restez là quand même, restez. J'ai même pas prétention à soigner qui que ce soit, encore que on a quand même une approche qui est assez intéressante quand on observe les archives et notamment l'origine de la médecine sur cette enquête et sur, en réalité, je dirais, une sorte de démarche parallèle, c'est-à-dire retrouver le point de départ d'une maladie comme l'historien essaie de retrouver le point de départ d'un événement. Mais vous-même, comment vous êtes venu à cette idée de... Parce que quand même, quand on voit donc tout ce que vous avez publié, Stanis Pérez, il est question beaucoup de médecine, de quoi. Vous êtes un grand hypochondriaque qui se non, réconforte. Non, c'est même l'inverse, je pense. J'essaie toujours de minimiser la réalité de mon état de santé. Non, plus sérieusement, j'ai une formation tout à fait classique d'historien. Mais avec cette particularité que je suis tombé dans l'œuvre de Michel Foucault étant petit. Alors je sais pas si c'est comme la potion magique, si ça donne des pouvoirs spectaculaires et surnaturels, mais j'ai été très sensible à l'articulation du savoir et du pouvoir. Et cette articulation, comme Foucault le montre bien, elle passe par le corps. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir et de suivre historiquement cette articulation entre savoir et pouvoir au travers du corps. Il est vrai qu'on connaît beaucoup de choses du corps des puissants, des souverains, des rois et des reines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement les rois et les reines pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils représentent, mais surtout le fait qu'on a quantité de documents et d'archives sur leur état de santé et sur l'instrumentalisation, on retrouve le pouvoir, de leur état de santé. Je crois que ça vient de là, en fait. Et je suis resté dans ce bain de savoir, de pouvoir et de corps. Voulez-vous connaître, dans l'ordre cette fois, le programme de cette nuit de la médecine? Bien volontiers. Très bien. Alors, donc, après notre entretien, Stanis Pérez, on pourra suivre donc Le médecin malgré lui, de Molière, une mise en scène de Jean Meyer. C'est une pièce qui a été diffusée, un enregistrement qui a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale en juillet 1950. Et puis, suivra une tribune de Paris, La santé des citadins et des ruraux, un débat animé par Paul Guimard. Là, c'était sur la chaîne nationale également. Un peu plus tôt, c'était le 29 décembre 1947. Et puis suivra une émission de Pierre Dac et Francis Blanche. Le parti d'en rire consacré à la médecine. Là, vous allez théoriquement vous amuser. Nous recevrons donc Nathalie Reims, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Puis, on pourra entendre une émission de la France d'Outre-mer. C'était des émissions qui étaient envoyées Outre-mer, comme ça, est faite à Paris. C'était consacré à la médecine coloniale en marche. C'est le titre. Maurice Bâtissard proposait ça en 1945 sur la chaîne Coloniale. Suivra une matinée des autres, La médecine verte, par Jacqueline Kellen, une réalisation de Christine Berlamont, diffusée pour la première fois en 1990. Puis nous recevrons Fanny Guéral. Puis une tribune de Paris, une autre, Le problème des malades mentaux. Paul Guimard animait ce débat. C'était également Paul Guimard, c'était en 1946. Et puis, on terminera par un Knock que peu d'auditeurs connaissent, en tout cas, parce qu'évidemment, Knock, on entend tout de suite Jouvet, mais non, c'est Serge Reggiani qui interprétait le rôle de Knock dans une version radiophonique diffusée sur la chaîne parisienne en 1955. Donc, je posais la question rapidement et je vous ai interrompu, Stanis Pérez, mais donc, nuit de la médecine, nuit des médecins, ça serait différent, ainsi que histoire des médecins et histoire de la médecine. Bah écoutez, je crois qu'on est soigné par un médecin, mais pas par la médecine. La médecine, c'est un savoir qui est diffus. Il y a différentes écoles de médecine. Hein. Quelque part, si on remonte à Hippocrate et Galien, on s'aperçoit qu'il y a déjà des querelles. Il y en a toujours eu, il y en a encore. Il me semble qu'il y a encore des scandales médicaux. Est-ce que les médicaments ne nous rendent pas des fois plus malades qu'on est, ou que est-ce que les laboratoires sont toujours dans une attitude d'intégrité scientifique, donc commerciale? Enfin, ce qui m'a intéressé, c'était ces individus qui ont cette mission à remplir, soigner, tout en sachant que, quelle que soit l'étendue de leur savoir, ils ne pourront jamais triompher de la mort. Ils sont censés prolonger la vie. Ils sont censés lutter contre la maladie, mais lutter contre la maladie, prolonger la vie, tout en sachant que au final, on perdra le duel ultime face à la mort, ben, je crois que c'est pas évident. Et on a toujours été très sévère dans l'histoire, c'est ce que je montre un peu dans cet ouvrage, entre autres thématiques, mais il y a toujours eu à la fois une sorte de fascination pour le savoir médical et les gens qui l'incarnent. De respect. De respect, de déférence. C'est difficile d'être médecin, de faire des études de médecine, vous allez en parler. Et en parallèle, une défiance, une défiance qui s'inscrit dans une longue durée, le rapport à l'argent, les remèdes coûtent trop cher. Pourquoi payer un médecin quand il ne nous guérit pas? Ce sont des questions qu'on retrouve dès l'Antiquité, qu'on retrouve encore au Moyen-Âge, où au Moyen-Âge on associe assez systématiquement le médecin et l'homme de loi, l'avocat par exemple. On considère que dans les deux cas, aujourd'hui les choses ont évoluer, mais dans les deux cas, on considère qu'ils soignent par la parole. La psychanalyse n'existait pas, ni la psychiatrie. Mais cette idée que on va être obligé de payer quelqu'un qui soigne avant tout par la parole. On peut très bien considérer, c'était des professions différentes et elles continuent à être différentes, que celui qui vous soigne, c'est celui qui vous vend les médicaments, c'est le pharmacien. Ah, alors, c'est le médecin qui fait le choix de la prescription. Mais certains considèrent que entre le choix de la prescription et le remède lui-même, il y a peut-être un déséquilibre. Ça veut dire que on est dans cette histoire des médecins, dans une histoire d'un rapport de force. Rapport de force entre celui qui souffre et celui qui est censé ou faire disparaître la souffrance, voire les abréger. Et on s'aperçoit également qu'il y a derrière cette histoire des considérations éthique, parce que là, on joue avec le vivant. On joue avec des gens qui souffrent, et ces gens qui souffrent, on va les appeler que très tardivement des personnes, et le patient ne va avoir réellement au sens juridique un statut qu'à partir de la fin du 19e et surtout de la deuxième moitié du 20e siècle. Quand on fait toute l'histoire, comme j'ai essayé de le faire, non pas de la médecine, il y a plein d'histoires de la médecine, mais des médecins de cette profession, eh bien, très fréquemment, on retrouve cette tension, cette attente sociale et individuelle, ces déceptions, donc ce rapport de force permanent et ô combien, je dirais, fécond pour et inspirant pour les auteurs de pièces de théâtre et de comédie. On a tellement brocardé les médecins. Alors, je suis pas sûr que les médecins eux-mêmes apprécient d'être systématiquement brocardés au théâtre. Si, parce que c'est leur collègue, leurs confrères qui sont. Oui, c'est vrai. Le charlatan, c'est l'autre. C'est vrai. Alors tous ces mots, vous avez parlé beaucoup de soigner et puis la mort. Une seule fois, vous avez prononcé le mot guérir. Est-ce qu'il y a un devoir d'obligation, enfin une obligation de résultat aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une obligation de résultat il y a 20 siècles, quand on était face à ceux qu'on appelait peut-être pas les médecins, bien sûr, mais les gens que l'on allait voir? Non, obligation de résultat, non, je pense pas qu'on puisse se positionner de cette façon. Alors, l'idée quand même, c'est quand on va voir un médecin, on y va pour guérir. Oui, mais je pense pas que ce soit une obligation, car à ce moment-là, si on vous prescrit un traitement et que vous ne guérissez pas à un instant T, il y aurait des dépôts de plainte considérables et bien plus nombreux que dans les cas le Mediator, etc. C'est-à-dire les scandales les plus importants ou sont contaminés, ce genre de choses. Non, on n'est pas dans une obligation de résultat. Est-ce qu'on a une obligation de résultat dans beaucoup de professions? Vous allez au restaurant, le repas est moyen. Vous êtes déçu, vous n'allez pas attaquer le restaurateur, sauf si effectivement vous êtes malade. C'est-à-dire que là, on considère que votre intégrité ou votre personne a été atteinte ou que le contrat n'a pas été respecté. La relation thérapeutique, je dirais qu'elle est faussement contractuelle. Si effectivement elle est contractuelle, on peut se retourner d'un point de vue juridique en disant « Mais comment ça? On m'a promis que je pouvais retourner travailler au bout d'une semaine et j'ai toujours mal. Ce médecin est un incompétent. » Je vais l'attaquer parce qu'il a rompu, ou en tout cas il n'a pas respecté les termes du contrat. Non, on est dans quelque chose, je pense, qui est beaucoup plus dans, j'allais dire, dans l'entre-deux. Il y a des attentes très fortes sans aller jusqu'à l'obligation. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de cas, ou bien on guérit spontanément, ou bien effectivement on guérit dans le laps de temps qui est indiqué par le médecin, mais il arrive que parfois on ne guérisse pas et qu'il y ait une erreur de diagnostic. Et on ne peut pas résumer toute une profession et toute une activité à ce genre de contraintes. Alors, je sais que c'est une demande de beaucoup de patients, mais... C'est légitime. Oui, c'est légitime. Mais, alors, il faut faire la part entre deux choses. Entre les attentes actuelles par rapport à ce qu'on appelle, j'aime pas trop cette expression, je vais quand même l'employer, le capital santé. C'est l'expression en fait qui apparaît dans les années 60-70 aux États-Unis, où au-delà des questions en lien avec l'état-providence, l'économie de la santé, on dit mon capital individuel notamment, c'est ma santé. J'ai un capital santé, ah, attention, je suis malade, donc mon capital diminue, je vais bien, voilà, je suis bien soigné, je mange bien, je fais du sport, je fais de la médecine verte, pourquoi pas, donc mon capital augmente. Bon, moi je me méfie de ce genre de notion, parce que si la santé devient un capital, ça devient une marchandise. Si ça devient une marchandise, ça devient un objet, donc c'est-à-dire quelque chose qui peut être négocié, acheté et vendu. Là, on arrive à des choses métaphysiques, éthiques et juridiques. Bon, plus simplement, bien sûr qu'on attend, on attend la guérison, mais si on regarde l'histoire de la médecine, l'histoire des guérisons anciennes, 80% sont des guérisons spontanées, parce que vous avez très peu de chances de guérir grâce à une saignée, à un lavement ou à une préparation qui va mélanger des substances toxiques, des plantes, des substances animales, etc., etc. Donc, je dirais que historiquement, bien sûr qu'il y a eu des guérisons, mais est-ce qu'on peut les ramener, les rattacher, les relier à l'exercice de la médecine? Hélas, dans un certain nombre de cas, j'ai beaucoup travaillé sur la santé de Louis XIV a survécu à ses maladies, à ses médecins et aux traitements qu'on lui a infligés. Et le vrai chef-d'œuvre, j'allais dire médical, le concernant, voire même chirurgical, il a été opéré à de multiples reprises, c'est d'avoir survécu à tout ça, à la maladie et à ce qui était censé sortir. Vous avez aussi publié « La santé des dirigeants français de François Ier à nos jours ». Oui. Alors ça, vous avez dû aussi, dans les archives, et les archives récentes peut-être, vous intéresser de près aux hommes et aux femmes puissants. Oui. Alors, j'invite les auditeurs, cette nuit de la médecine, à parcourir, je le dis sans faire de la publicité, mais à parcourir les quelques pages que j'ai pu consacrer à la santé de ces dirigeants du XVIe siècle à aujourd'hui, ils constateront qu'il y a beaucoup d'anecdotes différentes, mais que sur le fond, ça ne change pas. Sur le fond, ça ne change pas. En clair, on ne peut pas connaître la santé réelle des dirigeants, parce que l'écran du pouvoir, l'écran des institutions, la raison d'État, le mensonge, l'ignorance, beaucoup de gens sont malades sans le savoir, beaucoup de gens sont plus malades qu'ils ne le pensent, beaucoup de gens sont moins souffrants qu'ils ne le croient, tout ceci, ça nous donne quoi? Ça nous donne des documents qui sont en grande partie des documents de communication. En ce sens, c'est intéressant pour l'historien, parce qu'on retrouve cette articulation dont je parlais entre le savoir et le pouvoir, et on pourrait même rajouter entre la maladie et la communication. Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on ne dit pas? En réalité, certaines guérisons ont été présentées comme de véritables coups de théâtre dans l'Ancien Régime. Bon, Louis XIV, il a une fistule, il est opéré, il tient son conseil des ministres quelques heures après l'opération, les ambassadeurs viennent le voir et disent « Voyez, il n'y a pas de problème, je reste à la barre, le capitaine n'a pas changé, je ne suis pas mort ». Eh oui, mais on n'a pas médiatisé les autres opérations qui ont eu lieu, parce que la première n'a quasiment servi à rien. Ça, on n'en parle pas. J'ai également évoqué le cas de Georges Pompidou, la fameuse grippe, les premières coupures de presse évoquant des annulations de conférences, de rendez-vous, des décalages en emploi du temps, employaient systématiquement le terme grippe. Hein, il avait pris la grippe dans un train, etc., etc. Bon, et puis effectivement, il y a les gens qui savent, ceux qui croient savoir. Il y a les rumeurs et qui parfois sont plus vraies quand on les vérifie et quand on observe concrètement ce que disent les archives que des dépêches officielles. Je veux dire, oui, mais bon. Il n'y a pas d'archives pour les rumeurs. Il y a pas... Ah oui, oui, il y a si. Des archives. Oui, les libelles alors. Les... Bah, enfin... Disons que ça, alors ça dépend de la période, mais oui, après, selon certains titres de presse, on va peut-être les classer de cette façon, au moins puisque c'est 90% de leur production. Et en l'occurrence, on considère que c'est pas sérieux. Notamment hein, pour tout ce qui concerne la Ve République, je suis allé voir toutes tous les périodiques et toutes les publications, tous les journaux sérieux et même les pas sérieux. Et en fait, les pas sérieux disaient beaucoup plus la vérité. Bon, j'étais un peu, j'allais dire un peu déçu, mais les pas sérieux, en fait, disaient la vérité. Il y avait une forme de censure chez les journalistes sérieux, déjà parce que c'est l'État et que l'État ne saurait être malade. Si l'État est malade, c'est compliqué, parce que ça peut vouloir dire qu'il faut en changer. Il m'arrive d'éternuer, disait François Mitterrand. Oui, alors il disait ça... Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Il a fait l'humour jusqu'à son opération de la prostate, effectivement. J'ai travaillé bien sûr sur le cas de François Mitterrand, qui est pas un cas évident, parce que finalement la publication du docteur Gubler... J'irais a été une sorte, involontairement sans doute pour Goebbels en réalité, un écran de fumée dans le sens où la polémique a porté sur « mais enfin, ce médecin se permet de dévoiler un secret médical ». Oui, mais l'essentiel c'est que lui il a peut-être commis une faute, mais c'est ce qu'il révèle qui est quand même essentiel. C'est-à-dire, lui il a dit la vérité et on le reproche. Enfin, il l'a dit, oui, tardivement, il l'a dit. Et oui, il l'a dit tardivement, mais enfin, il l'a payé cher quand même. Bon. Enfin bref, bon, Stanis Pérez, on revient à l'histoire des médecins, donc qui n'est pas l'histoire de la médecine, qui n'est pas non plus l'histoire des maladies et qui n'est pas l'histoire des malades, encore que vous pourriez faire une histoire des malades et des maladies. C'est en cours. C'est en cours. Oui. Bon. Mais alors là, par contre, je vais me protéger parce que je fais ça avec un collègue, confrère et ami médecin, de façon à ne pas raconter trop de bêtises sur les diagnostics, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin. Oui. Voilà. Et puis, je pense que si on avait intitulé cette nuit la nuit des maladies, je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup d'auditeurs parce que c'est quand même il y a une superstition. Les médecins, c'est rassurant, même si on n'est pas bien, si on a un petit bobo ou si on a un très gros bobo, eh ben on sait qu'on peut aller voir un médecin et qu'on a confiance malgré tout dans les médecins. Oui, je suis d'accord, mais il peut y avoir l'effet inverse en fonction de la gravité de la maladie. Au contraire, on peut chercher un maximum d'informations. Ça dépend si c'est un bobo ou si c'est une maladie grave. Comme le disent souvent les médecins et pas seulement les médecins. Le diagnostic, c'est important, mais le pronostic également. Et quand le pronostic est fâcheux, là, on devient une véritable encyclopédie de son problème personnel, même si aujourd'hui, on va beaucoup piocher sur Internet et où, hélas, vous mettez trois mots-clés et vous avez 9 chances sur 10 d'avoir en fait un cancer, une maladie mortelle, si vous vous fiez simplement à ce que vous allez trouver, parce que quelqu'un un jour, quelque part, a décrit la même chose que vous et vous dit ça. Alors oui, ça, c'est pas nouveau, ça, en fait. C'est pas nouveau parce que cette histoire de l'automédication, elle est ancienne. On la retrouve en fait au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance avec l'apparition de l'imprimé médical, qui était une véritable révolution, j'insiste énormément sur cette thématique. La médecine et les médecins ont vraiment changé à partir du moment où l'imprimerie a été inventé et où des ouvrages de médecine ont pu se diffuser. À la fois pour faire l'apologie, la défense, la promotion de l'art médical, et en même temps pour permettre, c'était un argument publicitaire et commercial, il faut le dire, permettre à des gens en souffrance d'être leur propre médecin. C'est un vieux mythe, ça. C'est-à-dire, on va avoir un dictionnaire portatif de santé, best-seller du XVIIIe siècle. À l'époque des Lumières, vous avez quantité de textes, parfois même sur des petits formats de poche, des petits imprimés où on vous explique, bah écoutez, on va vous donner une liste de symptômes, vous allez voir, et puis on vous donne les remèdes. Vous n'avez plus besoin du médecin. Le médecin est un voleur, vous n'en avez plus besoin. Achetez ce livre, écrit par un médecin, évidemment, ou un apothicaire, donc un pharmacien. Et puis, vous allez vous-même être votre propre médecin. Comme ça, quelque part, il n'y aura pas de contrat. Vous pouvez trouver ça dans les Albanas aussi. Bien sûr. Qui sont en pur prolongement. Et aujourd'hui, même dans nos supermarchés favoris, j'allais dire, en tout cas habituels, vous avez le rayon médical ou paramédical avec quantité de publications. De publications qui sont un petit peu des béabas, hein, c'est-à-dire un peu la médecine, j'allais dire, pour les nuls. Pas que les gens soient nuls, mais il y a cette idée qu'on pourrait se passer du médecin. Et il est lointain, c'est cher. En plus, aujourd'hui, on est en pleine période de les déserts médicaux, il faut attendre très longtemps, manque de spécialistes, etc., etc. En réalité, dès l'apparition de l'imprimerie, on a déjà des exemples, en fait, à partir du XIIIe, XIVe siècle, avec des manuscrits, mais ils étaient rares et chers. Mais avec l'imprimerie, on a de véritables best-sellers. Des ouvrages italiens, par exemple, qui vont être traduits dans toutes les langues européennes, ou des ouvrages français ou anglais, à destination de ces malades qui veulent enfin se passer du médecin. En toute manière, on adore parler de la maladie. Oh oui, on adore parler de la maladie, peut-être. Bon, de ces petits mots, et puis oui, on a fait fantasmer. Alors ça, c'est ce que vous racontez à nombreuses reprises dans Le Corps de la Reine, qui est publié chez Perrin, là, qui vient de paraître. Je pense à le texte sur Marie-Antoinette. C'est sûr qu'il y avait d'autres manières de parler d'elle et d'en dire du mal, etc. Oui. Mais enfin. Parce que la reine, elle est là pour accoucher, hein, si possible de garçons. Oui, donc oui. Là, évidemment, pendant des années, on ne sait pas trop. Tout le monde fantasme. C'est une maladie nationale, quoi, de les courtisans, pas simplement les courtisans. Oui. Alors c'est une maladie nationale, c'est une stérilité nationale, on peut. Non, mais la maladie, c'est le ragot, quand même. Disons que moi, en tant qu'historien, j'essaie d'analyser deux choses. C'est-à-dire essayer de voir ce que les archives m'apprennent concrètement sur l'état de santé. Que peut-on connaître de l'état de santé d'une personne ayant vécu au XVIIIe siècle, même si c'est une reine? Bon. La correspondance. Alors, il y a des correspondances, mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Il faut les croiser. C'est-à-dire que vous dites il y a la correspondance de Marie-Antoinette à sa mère, mais oui. Il faut faire attention à ce qu'elle dit, ce qu'elle veut faire croire. Il faut faire très très attention. Alors, les obstacles sont majeurs. Bon, je ne veux pas rentrer dans des considérations, méthodologiques et en cette nuit de la médecine. Bon, voilà. En fait, de l'anthropologie médicale, dites-vous. Il faut faire l'anthropologie médicale. Il faut l'anthropologie médicale parce que il ne s'agit pas simplement de dire oh oui, mais bon, ils emploient ce terme-là derrière fièvre. On ne sait pas où. Incommodité, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Bon, à ce moment-là, on ne fait plus rien. Les médecins savent encore aujourd'hui, bien sûr, que l'un des premiers écueils, c'est d'arriver à interpréter ce que le patient vient vous dire et vous décrit concrètement. Bon, alors, je ne développe pas sur ce point, mais c'est vrai que pour l'historien, ce qui est compliqué, c'est à la fois d'essayer d'avoir une vision relativement claire, et ça, ce n'est pas facile. Quelle est la réalité de la maladie? Bon, pour l'Antiquité grecque, par exemple, on a la grande peste d'Athènes décrite par Thucydide. On sait que c'est pas la peste. Ok, c'était du typhus ou plutôt de la variole. Bon, on le sait parce que la médecine permet, etc., etc., et qu'en plus on retrouve des ossements, on peut faire des tests ADN, et là on a des informations très très claires. Bon, par contre, si on s'en tient simplement au terme, on va dire bon, on peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais il faut pas oublier un autre élément, c'est que la manière de vivre sa maladie, qui fait partie de son histoire, de notre intimité, de notre parcours. Ça passe aussi par les mots que nous employons. Et c'est évidemment tributaire des représentations d'une époque. Au XVIIe, au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle, la goutte, qui est un mal terrible, est considérée comme une maladie de riche. Donc quelque part, ça fait bien, ça fait chic, ça fait snob d'avoir la goutte. Ça prouve qu'on mange bien. Et on observe depuis l'Antiquité que les gens qui ont la goutte vivent plus longtemps que les autres. Parce qu'en fait, ils mangent mieux et ils ont moins de problèmes. Alors ils ont la goutte, très bien, hein, ils ont trop d'acide urique, mais pour le reste, voilà, c'est une maladie positive. Bon, l'épilepsie, on a longtemps dit, c'était la maladie des Césars, etc. Certaines malformations comme le prognathisme, hein, la mâchoire qui est un petit peu volumineuse, même très très volumineuse, à une époque, c'était les Habsbourg qui avaient ça, donc c'était une marque de fabrique, comme le nez des Bourbons. Donc là aussi, la symbolique de la maladie, elle varie. Et l'historien doit toujours tenir compte de cette tentative, dans un premier temps, de diagnostic rétrospectif, du vocabulaire qui est employé, et dans un troisième temps, de la symbolique, c'est-à-dire à un instant T, telle ou telle maladie, on peut en parler, on peut s'en vanter, ou au contraire, c'est un tabou. Hein, la phtisie, joli nom de la tuberculose, au 19e siècle, et au début du 20e, c'est la maladie que l'on cache. Voilà. Et à la rigueur, qui est pire que le cancer, où on parle très peu de cancer dans la littérature au 19e siècle, alors que l'image du tuberculeux et surtout de la tuberculeuse, hein, bon, c'est la dame aux camélias, par exemple, et d'autres pans de la littérature focalisent, ou en tout cas présentent des personnages atteints de cette maladie, il y a une focalisation. Donc les sociétés sont malades, et les malades, comme ils sont en société, eux aussi, ils interagissent avec leur contexte. Sans parler de la syphilis, puisqu'on est à l'époque aussi 19e. Ah, bref. Alors, c'est Knock, bien entendu, qui dit que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, mais Jules Romain avait peut-être connaissance de la formule de Xavier Bichat, que vous citez, du reste, Stanis Pérez, « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». C'est la même idée. Oui, alors Bichat, c'est avant tout un philosophe. C'est-à-dire que les écrits de Bichat, on peut les étudier, j'allais dire, en classe de philosophie ou pour les études philosophiques, comme aujourd'hui, et moi je m'en réjouis parce que, à mon sens, sont des textes philosophiques de qualité, on étudie l'introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard. Bon, alors Claude Bernard, le père de la médecine clinique, de la médecine expérimentale surtout, qui a découvert de façon, j'allais dire, à la fois empirique et, bon, c'est incontestable, la fonction glycogène du foie. Bon, et ses écrits méthodologiques et sa réflexion sur le vivant, sur effectivement, j'allais dire, cet environnement à l'intérieur, hein, ce que nous sommes, donc la physiologie, toutes ces idées sont des idées qui ramènent à une réflexion philosophique sur l'interaction, effectivement, comme l'écrit Bichat, une interaction entre la vie et la mort. Mais là aussi, il faut toujours faire attention et toujours contextualiser. Dans Les mots et les choses, par exemple, Foucault, dans un chapitre qui est rarement commenté, alors Foucault en commente beaucoup de choses, mais surtout histoire et sexualité, etc., bon, surveiller, punir, bon. Mais il a bien montré, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant, qu'en fait la notion de vie, elle n'apparaît que tardivement dans l'histoire même de la biologie. Avant, il y a des êtres vivants, on en fait le catalogue comme l'histoire naturelle à la Buffon, et c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle où on se dit, bon, on a fait l'inventaire du vivant, il y a plein de choses. Voilà, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des êtres humains différents, parce qu'il y a des continents, etc. Mais l'essence du vivant, elle est où, et comment essayer d'arriver à la définir? Et Bichat intervient précisément à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on passe d'une vision descriptive, j'allais dire, c'est le panorama du tableau du monde vivant, à une analyse beaucoup plus biologique, mais là au sens strict. Et ça va permettre dans les décennies qui suivent d'arriver à Claude Bernard. En réalité, ce sont pas des découvertes de laboratoire qui ont amené de grands progrès, c'est une nouvelle réflexion. Le regard a changé. Ensuite, les découvertes en laboratoire ont pu être possibles. Et puis parfois, ce ne sont pas des médecins qui font les grandes découvertes. On va écouter une archive, Stanis Pérez. Vous allez voir, il n'est pas question d'un médecin. Ça ne tourne pas autour d'un médecin, mais c'est quand même quelqu'un, un grand savant. Et monsieur Mester, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé. Ayant entendu dire qu'à Paris, un certain chimiste du nom de Pasteur faisait des expériences sur la rage, vos parents décidèrent de vous conduire immédiatement à Paris, où ils eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver Pasteur, n'est-ce pas? En effet, c'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner de son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il? M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc en quelque sorte servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Vous avez sans doute conservé les meilleures relations avec Pasteur. Parfaitement. Il s'est toujours inquiété de moi, et c'est grâce à lui que je suis revenu à Paris. J'ai même travaillé un certain temps avec M. Pasteur lui-même dans son institut, fondé en 1888. Avez-vous encore servi de cobaye au grand savant, et dans quelles circonstances? Oui, et involontairement d'ailleurs. En 1890, en travaillant au service de la rage, j'ai été mordu par un cobaye enragé, et je subis une deuxième fois le traitement, mais à l'insu de M. Pasteur, car il était très déprimé à l'époque, on ne voulait pas lui créer d'autres soucis. Vous avez donc, M. Mester, joué un grand rôle dans l'histoire de l'immortelle découverte de Pasteur. Il était juste qu'on le reconnaisse et qu'on vous charge des fonctions de concierge de l'Institut Pasteur. Depuis quand remplissez-vous ces fonctions? Depuis 1913, depuis 25 ans. Eh bien, je vous souhaite, et tous nos auditeurs aussi, de le demeurer longtemps encore et toujours en bonne santé. Joseph Meister au micro de Radio Paris, le 1er mars 1939. Il avait donc servi de cobaye, prononcé cobaye à l'époque, voilà. En tout cas, immortelle découverte de Pasteur. Alors, Pasteur, il apparaît dans deux lignes dans votre histoire des médecins. Ce qui est normal, Stanis Pérez, il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, c'est un biologiste. Ce qu'on vient d'entendre est particulièrement émouvant, parce que là, je dirais que c'est l'histoire vivante fait irruption je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement émouvant. Bon, passons sur la prononciation et le fait qu'il lit manifestement un texte qui était préparé à l'avance, mais ça c'est secondaire. Ce qui est intéressant avec Pasteur, c'est que c'est effectivement, je dirais, un bon exemple, alors très célèbre, mais il en est d'autres, en fait, d'une erreur qui se transforme en réussite, ou d'une réussite qui parfois a pu se transformer en erreur. Bon, en réalité, quand on regarde un petit peu l'histoire de la médecine, des médecins et l'histoire des sciences, on s'aperçoit que les choses ne sont pas linéaires. Pasteur a expérimenté effectivement le vaccin antirabique dans des conditions qui, pour l'époque, était déjà limite, pour aujourd'hui, était absolument scandaleuse. Ou serait scandaleuse, c'est-à-dire que aujourd'hui, il passerait pour un charlatan. Pourquoi? Parce que déjà, il passe de tests sur les animaux à des tests sur les humains. Il parle de virus. C'est bien ce qui se fait aujourd'hui, non? Il parle. Attends, j'ai pas terminé. Il parle de virus qu'il n'a jamais vu. Il imagine, il dessine les bactéries, il en a une vague idée, mais en réalité, il ne sait pas. Il y a eu un coup de chance énorme et un coup de bluff également énorme, notamment auprès de l'Académie de médecine. C'est pour ça que Pasteur, en réalité, il arrive à démontrer des processus dans un contexte où... Oui, on sait ce que c'est qu'un globule blanc, mais on n'a pas encore découvert, par exemple, les groupes sanguins. Les virus, on en parle, mais le terme virus, il désigne quoi? Il désigne presque l'équivalent des fameux miasmes dont parlait déjà Hippocrate. Pour le langage courant, c'est à peu près la même chose. J'attrapais un virus, j'attrapais des miasmes. Bon, il ne les a jamais vus, ces virus. La science ne lui permettait pas de... Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Denis expérimente... Là, c'est un Français, là aussi, grande découverte française, mais qui se traduit par un échec patent. La transfusion. Tentative de transfusion sanguine. Alors, il utilise d'ailleurs du sang de veau pour transfuser une personne qui était un peu mélancolique, qui n'allait pas bien. La transfusion a été ratée. On a interdit pendant quasiment deux siècles de réexpérimenter la transfusion. Imaginons que la tentative, l'expérimentation, ce que va tester Pasteur sur Joseph Meister, n'est pas fonctionné pour X ou Y raison. Bon, imaginons par exemple que il inocule une autre maladie. Ça s'est produit. Il y avait quand même beaucoup de controverses autour de l'inoculation à la fin du XVIIIe siècle et de la vaccination au début du XIXe siècle. Il y a même des gens qui ont cherché avant Pasteur à syphiliser, c'est-à-dire essayer de trouver un vaccin contre la syphilis en employant la même méthode que la vaccination. Tout le monde mourait. Tout le monde mourait. C'est-à-dire que on avait perçu et observé, et tout le monde en était d'accord, que ça fonctionnait pour la variole, mais que ça ne fonctionnait pas pour les autres maladies, les autres épidémies et les autres maladies infectieuses. Donc Pasteur, il fait une sorte de coup de bluff considérable, parce qu'il est sûr d'avoir raison. Il y a aussi dans le même moment une course au vaccin avec l'Allemagne. Les relations avec l'Allemagne étaient tendues. Je crois que ça s'est connu sur la fin du 19e siècle. Et avec les recherches de Virchow notamment, Pasteur est en concurrence. Donc c'est au premier qui arrivera à s'imposer. S'imposer, ça passe aussi par la communication. Et d'autres tests, effectivement, et Milroux a été obligé de bidouiller certains chiffres, on le sait, certains tests n'étaient absolument pas concluants. Aujourd'hui, il y a peu de chances que Pasteur, mais en recontextualisant, puisse réaliser ces expériences. Alors, vous nous avez parlé, Stanis Pérez, des grandes découvertes françaises, de la course avec l'Allemagne, Pasteur. Écoutez une autre archive. Il y a quelques jours, paraissait dans la presse un entrefilet annonçant que deux docteurs allemands, Brunner et Rindfleisch, venait de réaliser un poumon en bois. À la suite de cette nouvelle, le docteur Debray a cru nécessaire de faire une mise au point diffusée par l'agence France Presse. Cette mise au point, nous avons demandé au docteur lui-même de bien vouloir venir nous l'exposer au micro. Eh bien docteur, avant toute chose, voulez-vous nous dire ce qu'on entend au juste par poumon en bois? Nous ne connaissions jusqu'à présent que le fameux poumon d'acier. Existe-t-il une parenté entre les deux? Quitte à vous décevoir, ce fameux poumon d'acier est le plus souvent en bois. Et c'est tout simplement parce que les premiers poumons qui ont été fabriqués étaient en acier que ce terme est resté. Il serait plus juste d'ailleurs d'appeler cet appareil poumon artificiel. Non, en somme, il s'agit bien du même appareil. Mais parfaitement. Et c'est sans doute le fait d'avoir vu la presse monter cette information en épingle, comme s'il s'était agi d'une invention nouvelle et exploiter son caractère sensationnel qui a provoqué votre réaction. Oui, un peu, mais c'est surtout parce qu'on paraissait méconnaître l'effort qui avait été fait en France. Ah bon? Si je comprends bien, c'est le caractère quelque peu injuste de l'information qui vous a frappé. En effet, il ne faut pas oublier tout de même que c'est un Français, le docteur Voyer, qui, le premier, il y a environ trois quarts de siècle, a eu l'idée d'entretenir artificiellement la respiration. Mais son appareil, le spirophore, devait tomber dans l'oubli. Peut-être a-t-il eu le tort de ne pas l'appeler poumon d'acier. Ah, évidemment. il s'est passé pour ça ce qui s'est passé dans un autre domaine pour Charles Cros et Edison. Oui, et dans bien d'autres domaines également. Enfin, en ce qui concerne le poumon artificiel, en France, c'est un ingénieur français, M. Roguet, qui l'a conçu, et c'est une société française, le matériel médical et sanitaire, qu'il construit. Et ce poumon, qui a maintenant 10 ans d'expérience, est utilisé dans une cinquantaine d'hôpitaux de France et des colonies, où du reste il permet journellement de sauver des vies humaines. Eh bien, nous vous remercions infiniment, docteur, pour la présente déclaration. Mais non, pas du tout. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de faire cette mise au point. Le professeur Robert Debray au micro de Henri Jacqueton sur Paris Inter. Alors, c'est en 1948. Stanis Pérez, on revient à votre histoire des médecins. On a parlé d'anthropologie médicale. C'est un travail d'historien, d'archiviste aussi. Enfin, vous courez les archives. Bien entendu, ça commence à la plus haute antiquité, comme dirait Vialat, et ça se termine au XXe siècle. C'est aussi un travail d'historien de la société, parce que, par exemple, les années 30, c'est incroyable, tout ce qu'on apprend, sans parler évidemment de l'époque, de l'épouvantable période de Vichy pour les médecins. Vous racontez toute l'histoire de la France, parce que c'est une histoire des médecins souvent en France quand même. Oui. À un moment donné, j'étais obligé de cibler. C'est certain. C'est au fur et à mesure que je me rapproche de la période contemporaine, donc d'aujourd'hui, j'étais obligé de cibler mes sources. En 500 pages, on peut dire beaucoup de choses et peu à la fois quand on creuse son sujet. Oui, alors les années 30, une période, je dirais, de transition, c'est-à-dire modernisation de la médecine et en même temps, et ça apparaît dès les années 1890, une nouvelle mission que s'arroge, que s'attribuent certains médecins. On va non seulement réformer la société, mais on va réformer l'espèce humaine. On va réformer l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, vous avez des textes qui sont d'un racisme consommé. Carrel? Carrel, mais pas seulement Carrel. Carrel vient au bout de 50 ans de réflexion sur comment... alors, c'est toute l'école scientiste et positiviste. Alors, tout le positivisme n'est pas relié avec... la doctrine de l'eugénisme, mais on est globalement dans cette perspective, et c'est en parallèle en plus de la médecine coloniale, c'est-à-dire que on est dans un contexte où on dit il faut défendre l'espèce, en clair il faut défendre les blancs. C'était cette formule terrible, l'Afrique le tombeau de l'homme blanc. J'ai entendu, les colons, ils arrivent là-bas, il y a des maladies qui les attendent, des épidémies, c'est terrible. Il faut surtout pas qu'ils les ramènent, qu'ils les rapportent avec eux dans les métropoles. Bon. Donc, on est en fait dans une période, moi, c'est ce que j'ai observé dans les archives, une période où il y a des progrès considérables en termes de vaccination, on a découvert les groupes sanguins, on commence à faire des transfusions, etc., la sepsie, on désinfecte, etc. Bon. Il y a des progrès énormes, et l'arrière-plan idéologique, c'est un arrière-plan qui consiste à dire, mais écoutez, on va aller encore plus loin dans nos progrès, on va s'arranger pour que les gens tombent moins malades, mais en jouant sur, et heureusement qu'il n'y a pas de connaissances, les connaissances de l'ADN, le clonage, etc., parce qu'il l'aurait fait, même s'il y aurait eu des oppositions, il l'aurait fait, mais on va effectivement traiter ce qu'on appelle, je cite, le cheptel humain. Vous avez des médecins patentés. Carrel n'arrive que Alexis Carrel, est une sommité à l'époque dans l'Allemagne et l'Italie des années 30. Il suffit de relire un certain nombre de ses écrits. Alors vous avez l'homme saint inconnu et d'autres, mais ce sont des idées en fait qui étaient partagées par un grand nombre. Certains médecins disaient non, effectivement, attention. Bon, il peut y avoir bien entendu des dérives, mais pour d'autres, on était en fait dans un prolongement d'une logique scientifique qui consistait à dire, mais ce que l'on fait avec les grands mammifères, par exemple, dans l'élevage, on va le faire avec l'homme, et en plus, on va gagner de l'argent. Parce que vous avez toujours une logique économique qui semble terrifiante, qui consiste à dire, et ça apparaît également dans des revues d'hygiène publique, même dans des délibérations de l'Académie des sciences, etc., combien coûte un malade, comment faire pour économiser de l'argent en... parfois abrégeant les souffrances de certains malades qui ne servent à rien, combien coûte un syphilitique, combien coûte un tuberculeux, comment est-ce qu'on va créer une sorte de une vision et une approche, j'allais dire presque mercantile, de cette population qui décidément nous coûte beaucoup d'argent. Alors, vous avez deux réponses. Vous avez une première réponse qui consiste à dire, eh bien, on va, via l'effort de l'intérêt public et l'effort financier, on va mettre en place un état-providence. Donc ça, c'est plutôt la version positive de « il y a des malades, ils nous coûtent cher, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis l'autre version, c'est de dire « on va faire tout simplement de la sélection ». Et par la sélection, on va gagner de l'argent, ou en tout cas, on va diminuer les dépenses. Alors, c'est pas des dépenses de santé, il n'y a pas vraiment de protection sociale. Ça se met en place dans les années 1870, 80, par le biais d'un certain nombre d'assurances. Mais on va essayer de limiter les dépenses, ou en tout cas, d'augmenter pour une population donnée la force de travail à disposition, en essayant de sélectionner. Et beaucoup de médecins essaient de trouver précisément les bonnes méthodes ou essayer d'influencer le législateur en disant « oui, surtout faites de la sélection, parce que non seulement vous allez voir que la médecine, c'est fondamental, et que nous, les médecins, on peut gouverner. » Alors, on lit votre histoire des médecins, Stanis Pérez, qui est republiée donc en format poche chez Tempus. On lit Le corps de la reine chez Perrin, et puis on lit, c'est dans Nouveau Monde édition, La santé des dirigeants français de François Ier à nos jours. Et on vous retrouvera en toute fin de cette nuit de la médecine, au cours de laquelle on aura suivi Sgagnarel dans Le médecin malgré lui, écouté une tribune de Paris consacrée à la santé des citadins et des ruraux, entendu Pierre Dac et Francis Blanche se moquer un peu quand même de la médecine dans Le parti d'en rire. Puis on aura rencontré Nathalie Reims qui viendra parler de son récit. Puis une émission sur la médecine coloniale dans la France d'outre-mer. Et puis la médecine verte dans La matinée des autres. Et encore rencontré Fanny Guéral pour son livre sur la médecine. Deuxième année, comment passer en deuxième année en somme, les colloques et stéthoscopes. Une tribune de Paris sur le problème des malades mentaux. Et on terminera par un Knock de Jules Romain avec Serge Reggiani.